Now we've taken the nine precepts, and taking the nine precepts empowers our actions. It empowers our consciousness. It makes consciousness powerful and sacred. On vient de prendre les neuf préceptes. Et prendre les neuf préceptes donne à nos actions de la puissance, investit nos actions de force et aussi notre conscience. Prendre les neuf préceptes rend notre conscience sacrée et puissante. Pourquoi? Parce que en contrôlant nos actions physiques et verbales, par exemple en évitant des paroles immorales, des actions impropres, notre esprit devient pur. Quand notre conduite est pure, l'esprit est affecté par notre conduite. Notre conduite a un impact sur nos états mentaux. Par exemple, si vous dites des paroles de colère ou que vous avez des actions emplies de colère, ça va causer des perturbations. Ça va causer des distractions. En outre, pendant une retraite, on prend des préceptes additionnels qui visent à minimiser les besoins pour les soins du corps et aussi qui visent à maintenir la conduite pure. Grâce à cela, l'esprit devient sain, devient pur et sain, en bonne santé. Le Bouddha a déclaré que l'observance des préceptes, c'était la première étape sur le chemin. Ce n'est qu'ensuite, sur cette base, qu'on peut développer la méditation. La méditation, c'est-à-dire d'abord la concentration qui rend notre esprit plus stable. Et c'est aussi sur la base d'un esprit stable qu'à son tour, on peut développer la sagesse, la connaissance de la vision pénétrante. Le sujet pour ce soir, c'est un enseignement donné par le Bouddha à propos de la méditation de l'attention. Et dans cet enseignement, le Bouddha compare le travail du fermier et le travail du méditant. En fait, le travail de ces deux personnes est très similaire. Tous les deux dépendent du temps. Tous les deux sont sensibles au facteur temps. Tout d'abord parce qu'il faut agir au moment adéquat, au bon moment, et ensuite parce qu'il faut attendre que les choses arrivent à maturité. Quand on pratique la méditation, on ne peut pas s'attendre à obtenir immédiatement des résultats. Il faut une maturation. Alors je voudrais juste ajouter que c'est important de rester calme quand on écoute un enseignement, de ne pas bouger dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bouger, mais vous devez essayer d'écouter attentivement et respectueusement. Ce n'est pas le moment de faire des exercices. Et si vous devez bouger, essayez de le faire avec attention. Par exemple, si vous devez écrire quelque chose dans votre carnet, ou si vous devez bouger des membres, essayez de le faire doucement, avec attention. Donc le Bouddha commence son enseignement en disant « Tini mani bhikkhave » Kasa kasa gahapatissa achai kanikari karanyal katamani tini. Donc, disciple, il y a trois choses que le paysan, que l'agriculteur devrait faire urgemment. Quelles trois? Donc, la première chose à faire, c'est de préparer le terrain, de le labourer convenablement, afin que le terrain soit prêt. Ensuite, la deuxième action qu'il faut accomplir, le Bouddha poursuit en disant Sigam Sigam Ketam Sukatam Karitva Sumati Katam Sigam Sigam Bijani Pati Tapeti. Donc ça veut dire, après avoir labouré le champ, il faut semer promptement et au bon moment. Le Bouddha poursuit ensuite en disant Sigam Sigam Bijani patita petva sigam sigam udakam abinetipi apanetipi. Donc ce qui signifie rapidement, rapidement, après avoir semé, Le paysan, l'agriculteur, arrose les semences selon ce qu'il convient. Et s'il y a trop d'eau, à cause des pluies par exemple, il draine le terrain. Et il doit faire cela rapidement, urgemment. Le Bouddha poursuit en disant « Tassa kotam bhikkhave, tassa kassa gahapatissa, natissa idi va anubhavova, ajeva medanyani jayantu, sveva gabini hantu, utara sveva pachantuti. » Donc, ça signifie que le paysan n'a pas de pouvoir magique ou de pouvoir supernaturel pour faire en sorte que toutes les graines mûrissent, germent directement dès le lendemain. Il n'a pas non plus le pouvoir d'amener les plantes, les semis à croître et à porter des fruits et à être prêt immédiatement pour la récolte. Le Bouddha poursuit « Attaque au bhikkhave, oti so samayo yam tassa kasakasa gahapatissa » Tani danyani utuparinamini jayantipi gabinipi onti pacentipi. Disciple, moine, un temps viendra où ces graines germeront lorsque les conditions seront présentes, les conditions d'humidité, les conditions de valeur nutritive dans le sol. Lorsque ces conditions seront présentes, ces graines mûriront, germeront. Des pousses apparaîtront, grandiront, porteront leurs fruits, qui mûriront et qui pourront être récoltés. En fait, tout dépend de la pluie et des conditions atmosphériques. C'est selon ces conditions-là que tout cela sera possible. Et plus tard, à un moment donné, ça va se produire. Le Bouddha poursuit. Evamevam ko bhikkhave tinimani bhikkhusa acchayi kani karaniyani. De la même façon, bhikkhu, il y a trois choses urgentes que le méditant devrait entreprendre. Katamani tini, quelles trois? Adisila sika samadhanam, c'est-à-dire entreprendre un engagement ferme à observer des préceptes spéciaux. Adi signifie spécial, sila renvoie au précepte. Et donc, qu'est-ce que c'est des préceptes spéciaux? Ce sont des préceptes qui sont observés dans le but de contribuer au développement de la concentration, au développement des connaissances de la vision pénétrante, et à l'atteinte du chemin et du fruit, et à l'atteinte de la paix et de la libération de Nibbana. En général, les laïcs prennent aussi, observent aussi des préceptes, mais ces préceptes sont ordinaires, ils ne sont pas spéciaux, dans le sens où ils sont pris dans un but mondain, dans le but par exemple de reprendre naissance au ciel, ou de reprendre naissance dans une bonne famille. Ce n'est pas un but plus élevé. Nous, ici, au cours de cette retraite, lorsqu'on prend les préceptes, on dit notamment Ida me silam magapala nyanasa pecheyo hotu, ce qui signifie puisse cette moralité que j'entreprends être la cause de l'atteinte du chemin et du fruit. Et donc cela montre que nous on observe la moralité dans le cadre de la retraite dans un but plus élevé, dans le but d'atteindre la connaissance du chemin et du fruit. Les 227 règles monastiques qu'observent les moines relèvent aussi de Adisila, de la moralité spéciale. La deuxième action importante et urgente que doit entreprendre le méditant selon le Bouddha, c'est Adichitta Sika Samadhanam, ce qui veut dire prendre le ferme engagement de développer une conscience élevée spéciale. Donc Adi, c'est de nouveau spécial, et Chitta, c'est l'esprit. Adi Chitta, l'esprit spécial, l'esprit élevé. Et Samadhana, ça veut dire entreprendre. On utilise d'ailleurs cette expression lorsqu'on prend les préceptes, on utilise le verbe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Samadhyami, ce qui veut dire j'entreprends. Donc c'est le premier sens de Samadhana. Et quand on prend les préceptes, la moralité est immédiatement accomplie dès l'instant où on prononce les préceptes. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de ne pas les rompre, de ne pas rompre ces préceptes. Mais l'aspect moralité du travail est accompli dès qu'on s'engage à observer les préceptes. Mais adichitta sikha samadhana, ça signifie un peu plus que simplement prendre les préceptes. Ça signifie les prendre en tant que engagement spécial pour développer une conscience spéciale. On s'entraîne à développer une conscience spéciale, une conscience plus élevée. Avec la méditation, ce n'est pas une conscience ordinaire qu'on développe. Pour des millions et des milliards de gens, l'esprit habituel est ordinaire. C'est-à-dire qu'il est facilement distrait, facilement perturbé, instable. Il passe d'une chose à l'autre. Et il est envahi de pollution mentale temporaire. Par exemple, l'avidité, la concupiscence, la haine, la confusion, l'agitation, le doute, etc. Et même si parfois cet esprit ordinaire est habité par l'amour, la bienveillance, la compassion, c'est plutôt rare. La plupart du temps, il est plutôt perturbé, distrait, et prêt à réagir au quart de tour. Si quelque chose de négatif se produit, l'esprit ordinaire est directement prêt à pleurer. Si à l'inverse quelque chose d'agréable, de plaisant se produit, voilà que l'esprit s'attache tout de suite. Oh, je suis tellement amoureux, etc. Il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'agitation. Mais un esprit spécial, tel qu'il est développé dans la méditation, est fort, est résistant, peut rebondir facilement, il n'est pas hyperactif. Il ressemble plus aux eaux profondes d'un lac profond, calme, paisible. La troisième action présentée comme urgente par le Bouddha est adipenya sikha samadhanam, c'est-à-dire développer une sagesse, une connaissance spéciale. Ça aussi, c'est très important. C'est un long mot composé. Adi signifie spécial, penya signifie sagesse, sikha signifie entraînement, et samadhana signifie prendre l'engagement de s'entraîner afin de développer une sagesse, une connaissance spéciale. Qu'est-ce que c'est une sagesse spéciale, une connaissance spéciale? Les sagesses, les connaissances sont très importantes dans le monde. Dans le monde, il y a beaucoup de sagesse ordinaire, beaucoup de connaissances, de sciences ordinaires. Pourquoi dit-on une sagesse ordinaire? Qu'est-ce que c'est une sagesse ordinaire? C'est-à-dire une sagesse développée dans un but mondain. Mais c'est une sagesse qui n'est pas en mesure de libérer l'esprit et de libérer la personne de la souffrance. On peut imaginer quelqu'un qui aurait le plus haut diplôme imaginable, les connaissances académiques les plus pointues. Cette personne ne pourra pas nécessairement se libérer du chagrin, de l'agitation, peut-être du désespoir. Par exemple, s'il perd des membres de sa famille, s'il perd sa position sociale, professionnelle, etc. Il peut se sentir totalement dévasté et ne pas savoir du tout comment surmonter ça. Donc, les connaissances ordinaires nous laissent désarmés face aux souffrances mentales et physiques. Donc, en revanche, la sagesse spéciale peut libérer une personne, peut libérer l'esprit d'une personne, son intellect, de la souffrance. Et c'est pour ça qu'on l'appelle adipanya. À quoi le mot sagesse spéciale fait référence? Cela fait référence à la sagesse qui est développée à travers la méditation vipassana. On appelle ça parfois Vipassana Jnana, les connaissances de la vision pénétrante. C'est un type de connaissance non conventionnelle. Tout comme le scientifique peut dévoiler la véritable nature des éléments physiques qu'il examine, de la même façon, un méditant de longue date commence à voir son esprit. Il commence à comprendre que les phénomènes physiques et mentaux sont simplement dans un état de flux constant. Il voit des séries continues d'apparitions et de disparitions, et il comprend que cela n'a pas de sens de s'attacher, de s'accrocher, de vouloir retenir les choses. Il peut accepter tout ce qui se produit dans son corps et son esprit. Il n'est plus contrarié si un plaisir qui est apparu en lui disparaît. Il ne cherche plus à le retenir. Tout apparaît et tout est sujet à la disparition. Il peut dès lors accepter n'importe quelle perte, n'importe quelle déception. Lorsqu'une personne développe adipanya, la sagesse spéciale, il peut faire face même à des douleurs qui le torturent, il peut faire face à des événements malheureux sans être affecté, sans être secoué. Il développe une forme d'immunité spirituelle. En règle générale, quand des choses négatives adviennent aux gens, ils sont dévastés. Mais le méditant, lui, il peut faire face. Il peut observer les choses sans s'impliquer dans le processus. Et il est capable de vivre, de supporter n'importe quelle situation. Adipanya a le pouvoir d'immuniser l'esprit, d'immuniser l'intellect. En pali, on dit cheto vimuti, ça veut dire l'esprit libéré, et panya vimuti, ça veut dire l'intellect libéré. Afin d'atteindre cela, il faut pratiquer. Une fois que cette connaissance est développée, la condition du méditant devient plus stable. Il devient un peu comme une montagne de roche solide, inébranlable. Même un tremblement de terre ne peut la faire tomber. Il atteint un état plus élevé de sagesse. Sayali aimerait demander, est-ce que quelqu'un dans la salle se souvient de la première tâche urgente que le fermier doit accomplir? La première tâche, préparer le sol. Et la deuxième tâche, semer les graines. S'il y a trop d'eau, il faut drainer l'eau. Le fermier a-t-il la capacité surnaturelle, s'il le souhaite, de faire germer les graines instantanément et de faire croître les plantes et mûrir les fruits? Est-ce qu'il a ce pouvoir spécial? Donc combien de choses urgentes le méditant doit-il accomplir? Quelle est la première? Effectivement, prendre les préceptes dans le but d'atteindre Nibbana. En fait, les cinq préceptes aussi peuvent être pris dans une optique d'atteindre la libération. On aimerait que notre moralité constitue le socle sur lequel on va pouvoir développer la concentration. Donc même les cinq préceptes ne sont pas nécessairement pris dans un but mondain. Ils peuvent être pris aussi dans un but plus élevé. Quand on prépare le sol, quand le paysan prépare le sol, il doit aussi enlever les vieilles souches, les plantes mortes. Le terrain doit être nettoyé de tout ce dont on ne veut pas. Et il faut rendre le terrain exploitable. Et pour le méditant qui prend les cinq préceptes, il doit se débarrasser de tous les comportements physiques et verbaux indésirables et toutes les choses qui rendent notre pratique difficile. Donc, dans le cadre de la retraite, on prend quatre préceptes additionnels et ces préceptes visent à minimiser, ils servent de soutien à la pratique en minimisant les besoins du corps, pour le dire vraiment d'une façon très résumée. Dans les centres de Goenka, on peut pratiquer, on peut faire la retraite en observant seulement cinq préceptes. Mais en Birmanie, en Thaïlande, etc., En général, les gens qui vont dans les retraites observent 8 préceptes ou 9 préceptes. Quelle est la deuxième chose que le méditant doit faire? Donc la deuxième tâche est effectivement de développer la concentration en plantant en quelque sorte chaque fois les graines de samadhi, de la concentration. Et quelle est la troisième étape? La troisième tâche urgente du méditant? En réalité, toutes ces tâches urgentes en ce qui concerne le méditant sont accomplies simultanément. Donc le travail de la moralité, de la concentration, de la sagesse sont accomplis simultanément. Mais sans concentration, il ne peut pas y avoir de sagesse. Et sans moralité, il ne peut pas y avoir de concentration. Donc c'est par une méthode graduelle, étape par étape, qu'on peut développer la sagesse. C'est par une méthode graduelle. Maintenant que vous avez fait l'effort de venir à cette retraite, puisque vous avez fait l'effort de venir ici, j'espère que vous serez en mesure de réaliser cette sagesse spéciale à travers votre travail, à travers votre effort, grâce à votre observance des préceptes, à travers vos efforts pour développer la concentration et pour développer la sagesse avec patience. Patience, c'est un mot très important. C'est important de développer la patience. J'aurais dû aussi poser la dernière question. Pensez-vous que le méditant a le pouvoir de faire mûrir sa pratique simplement en énonçant son souhait? Puis-je voir la graine de la sagesse germer? Puisse la concentration se développer, etc. Non, évidemment. En fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement appliquer la méthode à chaque instant, de nouveau, encore et encore. C'est tout ce qui est en notre contrôle. On ne peut pas faire plus que ça. Simplement appliquer la méthode d'instant en instant. Sadhu, sadhu, sadhu. I should have added the question also, you know, does the meditator have the ability to cause these? The thing that we can do right away is take the precepts. Right? But as far as developing concentration and wisdom, can we hope and we say, may our seeds sprout, may our concentration develop, may our wisdom develop. We can't make it develop. We just have to keep on applying the practice moment by moment. And that's all that's in our control, to make the effort to observe moment by moment. Voilà. Voilà.